C'est pour toi, Mickey. T'es un mec du Nord, toi, non? Ouais, j'adore le Nord. Bon. Bon, sur ce, moi, je vais aller prendre une douche parce que putain, là. Merci à vous, merci à tous. À plus et bye bye.